France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous poursuivons notre série de cette semaine intitulée « La transgression est-elle un nouveau conformisme ?» Deuxième épisode ce matin, « Faut-il désobéir pour inventer ?» En 1940, dans ses thèses sur l'histoire, quelques mois avant de se suicider sur la frontière franco-espagnole, Walter Benjamin écrivait « À chaque époque, il faut chercher à arracher de nouveau la tradition au conformisme qui est sur le point de la subjuguer ». Mais comment arrache-t-on une époque au conformisme ? Par des rébellions actives, peut-être révolutionnaires, assumant leur violence éventuelle ? Ou seulement par des expressions, des créations, des gestes, notamment artistiques ? Hier, dans le premier épisode de cette série, nous avons vu que les penseurs de l'école de Francfort, dont Benjamin était proche, se méfiaient des figures de rebelles prompts à punir par eux-mêmes les éléments jugés mauvais d'une époque, parce que ces rebelles-là sont souvent en réalité un visage du désir d'ordre et du conformisme les plus redoutables. C'est toute la complexité de la personnalité autoritaire selon Adorno, dans laquelle celui-ci lisait un potentiel fasciste. Alors comment faire ? Comment désobéir aux normes ambiantes sans l'arrogance autoritaire qui boucle tout, si j'ose dire, qui remplace un conformisme par un autre, peut-être plus violent encore que le précédent ? Comment résister et inventer en laissant l'horizon ouvert pour de nouvelles résistances à venir ? Bonjour Georges Didier Huberman. Bonjour. Vous êtes philosophe et historien de l'art, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous avez beaucoup réfléchi à ces problèmes. Votre œuvre est immense. Je citerai seulement pour notre émission d'aujourd'hui votre série « Ce qui nous soulève » aux éditions de Minuit, dont le premier volume s'intitule « Désirer, désobéir » et votre deuxième « Imaginer, recommencer ». Et je signale aussi à nos auditeurs votre petite conférence aux éditions Bayard, parue il y a quelques mois, « Pourquoi obéir en trois mots ?» Et bonjour Frédéric Gros. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à Sciences Po Paris, dans un département qui s'intitule « Humanité politique au pluriel ». Vous êtes notamment un très bon connaisseur du philosophe Michel Foucault. Nous parlerons surtout aujourd'hui de vos deux livres « Désobéir » et « La honte est un sentiment révolutionnaire » publiés tous deux par Albin Michel. Été 2016, Colin Kaepernick, joueur vedette de l'équipe des 49ers de San Francisco, pose un genou à terre durant l'hymne américain. Un geste politique fort pour dénoncer les violences policières contre les Afro-Américains. Je ne peux pas être fier devant le drapeau d'un pays qui opprime les Noirs et les gens de couleur. Ce problème dépasse le football américain. Il serait égoïste de ma part de détourner les yeux. Il y a des gens qui meurent dans les rues et d'autres qui tuent et qui échappent à des punitions. Ce geste de protestation pacifique a très vite de lourdes conséquences sur la carrière de Colin Kaepernick. La star se fait huer par certains supporters, son contrat n'est pas renouvelé et aucune des 32 équipes de la NFL, la Ligue de football américain, ne lui fait de proposition. À travers le pays, les violences policières continuent à faire des victimes pour la grande majorité afro-américaine. D'autres athlètes vont alors soutenir Colin Kaepernick. Footballeurs américains ou encore joueurs de NBA posent eux aussi un genou à terre. L'affaire s'envenime. Côté républicain, on dénonce une insulte insupportable à l'hymne national, au drapeau et au peuple américain. Pour eux, Colin Kaepernick est un traître. Donald Trump va même jusqu'à injurier publiquement les sportifs qui manifestent. N'aimeriez-vous pas voir l'un des patrons d'une de ces équipes de la NFL, lorsqu'un joueur manque de respect à notre drapeau, dire to say, get that son of a bitch off the field right now. Faites-moi sortir ce fils de pute du terrain tout de suite. Il est viré. Fired. France Culture. Avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Fired, c'est la fameuse expression que Donald Trump utilisait lorsqu'il était le maître de ce jeu télévisé The Apprentice, avant de devenir président de la République. Vous venez d'entendre un reportage de France 24 de 2020 à propos de l'affaire Colin Kaepernick, de ce genou à terre qui a tant scandalisé Trump. C'est un geste, ce n'est pas un acte avec une confrontation physique éventuellement violente, ce n'est pas une création artistique qu'on retrouve par exemple dans des livres ou dans des musées, c'est un geste, c'est autre chose. Et justement, je crois que ça vous intéresse beaucoup, Georges Didi Huberman, les gestes. Oui, absolument, c'est un geste, ça veut dire que c'est un mouvement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui voilà, Trump veut virer du terrain ce footballeur, parce que c'est un terrain. Mais lui, il a déjà franchi une frontière. C'est ça une transgression, non? Oui. C'est-à-dire s'il est passé au-delà de la frontière du conformisme sportif où tout le monde est gentil, tout le monde est... Voilà, il a... Oui, c'est un geste. Donc la transgression est un geste. Se demander si la transgression est ou non un nouveau conformisme, la question oublie un peu avec ce verbe « être ». Qu'en fait, c'est un geste et donc un devenir et non pas un être. La transgression, c'est pas une stase, c'est pas quelque chose que vous pouvez définir une fois pour toutes. Ça dépend quel est votre geste et ça dépend quelle est la frontière que vous traversez. Et c'est bien pourquoi aujourd'hui nous parlons des actes désobéissants, qu'ils soient des actes physiques, rebelles, avec aspect physique, éventuellement une confrontation, qu'il s'agisse d'art, qu'il s'agisse de gestes, dont je sais aussi que vous souhaitez parfois que des gestes soient accueillis dans des musées. Donc avant même de parler du problème du nouveau conformisme, nous allons parler de la transgression par les gestes, par les actes et par l'art. Pensez-vous justement, comme peut-être comme Abby Warburg, devenu Abby Warburg puisqu'il a émigré... Il est mort avant. Il n'a pas passé la frontière. Non, en Angleterre, on l'aime tellement qu'on dit Warburg, n'est-ce pas? Abby Warburg était un ami de Benjamin. Enfin, Benjamin connaissait très bien son travail. C'est quelqu'un qui aimait les gestes, qui trouvait que c'était des rites venant de très loin et que peut-être ils portaient une subversion en eux très, très intéressante. Est-ce que c'est votre avis? Je pense que un geste, c'est quelque chose qui se développe à travers un désir, quelque chose de présent qui va vers un futur, si vous voulez. Quand vous faites un geste, là, ce footballeur, vous venez de citer l'exemple, il a engagé tout son futur, ce type-là. Ouais. D'ailleurs, il n'a jamais retrouvé de club, mais il a changé. Voilà, de vie c'est extraordinaire. Mais il l'a fait sur la base d'une mémoire. Alors, on va parler de ça après, parce que ça vous est très cher, l'idée que la mémoire, en réalité, habite la transgression véritable. Ça m'est cher, mais c'est le béaba de la psychanalyse. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un désir, c'est aussi que vous avez de la mémoire. Si vous n'avez pas de mémoire, vous n'aurez pas de désir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors justement, Frédéric Gros, à vous maintenant, peut-être en partant de ce footballeur américain, du scandale selon Trump qui veut le virer, vous pensez qu'il y a des formes de transgression qui ne sont ni des actes physiques rebelles avec confrontation physique, ni des œuvres d'art classiques, mais il y a cette chose-là, des gestes. Je le pense et je l'espère. C'est vrai que c'est une drôle d'entrée à laquelle je ne m'attendais pas forcément et qui en même temps m'apparaît maintenant comme assez forte et assez... évidente, parce que le geste dont vous parlez se pose par rapport à un horizon d'attendu, et ces attendus sont des attendus sociaux, ce que vous appelez finalement le conformisme, c'est-à-dire qu'il y a des choses convenues, obligées, etc. Et le geste transgresse ça, ce qui montre déjà que, avant peut-être même d'être une notion, un concept, la transgression est une pratique et un geste. Et quand je dis un geste, moi c'est vrai qu'aussitôt ça me fait... alors on procède toujours par association, mais c'est vrai que l'idée qu'à un moment quelque chose va se dire, se montrer plutôt que se démontrer précisément, c'est-à-dire se montrer de manière plastique, visible, plutôt que de s'énoncer de manière démonstrative, discursive, etc., et que là est ou serait, on toucherait en tout cas quelque chose comme une vérité profonde de la transgression, moi ça m'évoque aussitôt la fascination que Michel Foucault a pu avoir dans la toute dernière année de sa vie pour les cyniques, pour l'école cynique. Parce que qu'est-ce que c'est d'autre que le cynisme, et par cynisme j'entends évidemment loin du sens obligé, courant aujourd'hui, qui consiste à penser par cynisme une espèce de dédain comme ça, des valeurs et une recherche tout à ce fait... Ce mot a complètement changé de sens. Ce mot a complètement changé de sens. Par rapport à, donc je vous laisse définir. Par rapport à cette école des cyniques et où il faut entendre Kunos, c'est-à-dire le chien, c'est-à-dire ceux qui mordent à la vérité, parce que la vérité est mordante. Et je crois que ce qui a fasciné Foucault précisément, c'est que ces philosophes-là, ces sages-là n'ont laissé presque aucun discours, et ce qu'on connaît d'eux, ce sont essentiellement des gestes. Absolument. Et ces gestes sont d'abord publics, et cette dimension de publicité, je crois qu'elle est liée de manière très forte au concept de transgression, c'est-à-dire qu'est-ce que serait une transgression intérieure, c'est-à-dire la manière dont je pourrais penser dans ma tête et par-devers moi-même à accomplir des choses c'est un peu folles, insensées. C'est pas mal déjà, non, la transgression intérieure. Oui, c'est pas mal, mais je trouve que dans l'idée de transgression, à partir du moment en tout cas où vous faites cette entrée par le geste, vous montrez qu'il y a une dimension de provocation, de remise en cause, et au fond, les cyniques sont connus par ces gestes. Vivre dans un tonneau, comme Diogène. Vivre dans un tonneau, c'est-à-dire une traditionnalité qui est moins une traditionnalité doctrinale, c'est-à-dire ce qu'on sait d'eux, c'est un certain nombre de thèses qu'on peut déplier, que quand on parle d'eux, c'est Diogène qui se masturbe sur la place publique, Socrate qui dilapide toute sa fortune en la donnant aux pauvres, et Foucault a cette idée de dire, au fond, la postérité du cynisme, c'est l'art contemporain, justement, c'est-à-dire c'est la performance et les installations. Et c'est cette idée de la transgression comme geste, je pense qu'elle nous fait aller dans ces domaines-là. Vous étiez, Georges Didier Huberman, commissaire de l'exposition Soulèvement au Jeu de Paume en 2016. Oui. Et les soulèvements, c'était parfois des gestes de cette sorte. C'était, dans le cadre de cette exposition, c'était principalement des gestes. Donc ça n'était qu'une exposition, c'était modeste. C'était un manifeste politique. Oui. C'est ça qui est étonnant. L'important, c'était de montrer qu'il y a des actions. L'action révolutionnaire, elle est très importante. Là, il s'agissait de quelque chose de plus modeste. Oui. Des gestes. Des gestes, notamment Benjamin. De transgression. Et puisque vous parlez d'art contemporain, Frédéric, y a un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Marcel Duchamp. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait comme geste à un moment où tout le monde expose de la peinture, en particulier toute sa famille, ils étaient tous peintres. Lui, il arrête la peinture. Alors, on peut dire, la transgression avant-gardiste commence là, de la peinture qu'il ne veut plus exposer. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il expose à la place? On le sait très bien. Il expose un ready-made, d'un urinoir, alors tout le monde crée au scandale, etc. Mais c'est pas ça son geste de transgression fondamentale. Son geste de transgression fondamentale, c'est que dans le secret de son atelier, pendant 10 ans, il fait une œuvre qui s'appelle Le Grand Verre. Et il ne l'expose pas. Et qu'est-ce que c'est Le Grand Verre ? Eh bien, c'est un vitrail. C'est du verre avec du plomb. C'est donc strictement la technique du vitrail. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la mémoire, direz-vous. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait pour transgresser la peinture à l'huile? Il fait un objet qui emprunte à la technique, à une technique qui précède la peinture à l'huile. C'est-à-dire une technique médiévale. Le retour. C'est fantastique. Vers du passé trop oublié est peut-être ce qu'il y a de plus transgressif. Votre phrase de Benjamin, qui est pour moi très précieuse, Arracher la tradition au conformisme qui est sur le point de la subjuguer. Marcel Duchamp arrache la peinture au conformisme qui est sur le point de la subjuguer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il repense la tradition à partir d'un état historique précédent qui s'appelle le vitrail. Enfin, c'est juste un exemple, il y en a beaucoup. Frédéric Gros, vous dites dans votre livre, la honte est un sentiment révolutionnaire, que les gestes de résistance, rébellion, transgression, on peut affiner, commencent souvent avec un sentiment de honte, la honte de ce que les êtres humains font autour de nous, c'est ça ? Oui, c'est ça ce que j'ai tenté de faire. Je pense qu'il ne faut pas laisser la psychologie confisquer le sentiment de honte. Oui. Il est vrai que la réalité du sentiment de honte, elle se précipite beaucoup effectivement dans cette espèce de malaise dû à des humiliations et que cette tristesse qui naît là, eh ben, est profondément néfaste et qu'elle est un poison de l'âme. Mais en même temps, à trop laisser, si vous voulez, les psychologues confisquer ce sentiment de honte, on perd cette espèce de valeur proprement politique de la honte qui a été repérée aussi bien par Deleuze dans son entrée résistance justement de l'abécédaire ou alors ce que vous signaliez vous-même, c'est-à-dire la honte comme marqueur d'une solidarité avec ce qui se passe, c'est-à-dire ça me fait honte, oui. Ça me fait honte, et certains événements contemporains peuvent vous faire honte, c'est-à-dire dire, mais au fond, 21e siècle, et on en est arrivé là, mais quelle honte, quelle Alors honte. On va écouter Gilles Deleuze, que vous évoquiez, parlant précisément de la honte. C'est en 1988-1989, au micro de Claire Parnet, dans sa fameuse série qui était son abécédaire, réalisée, produite par Pierre-André Boutan. Je crois qu'un des motifs de l'art et de la pensée, c'est une certaine honte d'être un homme. Je crois que l'homme qui l'a le dit, l'artiste, l'écrivain qui l'a le dit le plus profondément, c'est Primo Levi. Il a su parler de cette honte d'être un homme, et lui l'a fait à un niveau extrêmement profond, puisque c'est à la suite de son retour des camps d'extermination qu'il en sort avec. Il dit, oui, quand j'ai été libéré, ce qui dominait, c'était la honte d'être un homme. Alors, c'est une phrase à la fois très splendide, je crois, très belle, et puis c'est pas de l'abstrait, hein, c'est très très concret, la honte d'être un homme. Mais elle veut pas dire les bêtises qu'on risque de lui faire dire. Hein. Ça veut pas dire nous sommes tous des assassins, ou ça veut pas dire nous sommes tous coupables. Par exemple, nous sommes tous coupables devant le nazisme. Primo Levi, il le dit admirablement, il dit ça veut pas dire que les bourreaux et les victimes, ce soient les mêmes, hein. Ça, on ne nous fera pas croire ça. Il y a beaucoup de gens qui nous racontent « Ah oui, on est tous coupables. » Et non, non, non, rien du tout. Hein. On ne fera pas confondre le bourreau et la victime, ça. Moi, je crois qu'à la base de l'art, il y a cette idée que, ou ce sentiment très vif, une certaine honte d'être un homme qui fait que l'art, ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. L'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, il ne cesse pas de tuer la vie. La honte d'être un homme, l'artiste, c'est celui qui libère une vie puissante, une vie plus que personnelle. C'est pas sa vie. Ici, Deleuze dit beaucoup de choses. Hein. Nous avons laissé un peu l'archive en longueur parce que c'est très beau et profond. Magnifique. Libérer la vie, il évoque aussi à un moment certaines bêtises qu'on pourrait faire dire à la honte. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'ensemble de ces propos de Deleuze, Georges Didier Huberman ? Ben, je ne l'avais pas écouté depuis longtemps, c'est toujours aussi beau. Je dirais que cette honte d'être un homme, peut-être que Primo Levi mériterait ici d'être aussi relu avec un autre Levi qui est Lévinas, c'est-à-dire la honte pour l'autre. J'ai Primo Levi, il a honte pour le SS. C'est ça exactement qu'il dit. Et pourquoi il a honte pour le SS ? Parce que le SS, c'est un homme. Et c'est donc son semblable. Et qu'il se situe donc là sur un plan éthique. Et là, Deleuze, de façon magnifique comme d'habitude, ce qui est d'ailleurs développé de façon magistrale dans le cours sur la peinture qui vient d'être publié et par Poujade aux éditions de Minuit, qui est magnifique, c'est que... Oui, pardon. C'est qu'il dit, il faut pas confondre les bourreaux et les victimes. Ça veut dire que semblable, ça ne veut pas dire le même. C'est ça qui est important. L'ESS est mon semblable. Mais je ne peux pas me confondre avec, avec l'ESS. Donc, c'est ce qu'il dit aussi sur l'art. L'art est une activité, lorsqu'il parle de Francis Bacon, par exemple, ou même de Cézanne, quelque chose qui brise la ressemblance à un moment donné. Mais la ressemblance, elle va vers quelque chose. C'est là où, d'ailleurs, Deleuze est influencé par son ami professeur à Lyon d'esthétique, Henri Malzinet, hein, qu'il cherche une ressemblance plus profonde. C'est là où il faut avoir la subtilité de dire mon ennemi est mon semblable, mais je suis pas le même que lui. Vous voyez les choses de cette façon aussi, Frédéric? Oui, oui, c'est-à-dire ce que je comprends maintenant, au fond, à vous écouter, parce que quand vous dites « j'ai honte pour lui », c'est-à-dire j'ai honte pour l'ESS, oui. Ce mouvement par lequel je me décentre pour essayer d'aller habiter l'ESS, c'est exactement ce qu'on appelle l'imagination, quand même. C'est-à-dire ce qui fait que la honte, comme Rousseau le disait, de la pitié est un mouvement d'imagination, c'est que ça me décentre. Et la vraie transgression, et ce qui apporte, ce qui fait que la honte est un sentiment premier et qui fait qu'on peut définir l'art comme ce qui fait honte à la laideur, comme on peut définir la philosophie comme ce qui fait honte aux éléments de langage ou à la doxa, etc. C'est-à-dire ayez un peu honte, c'est-à-dire réveiller en vous cette imagination qui vous fait habiter autre chose. Et au fond, quand il finit en disant que cette honte est le témoin d'une dilatation d'expérience, et que cette dilatation, c'est la vraie transgression. Donc la honte dont je parle, et oui, qui, encore une fois, n'est pas forcément la honte toxique, qui elle aussi fonctionne à l'imagination, mais une mauvaise imagination qui me rappelle à ma scène d'humiliation et qui m'amène à me mésestimer moi-même. Mais cette honte généreuse par laquelle quelque chose comme ça ne peut pas être comme ça, qu'on doit se comporter, etc. Cette honte-là, elle nous fait sentir à quel point l'imagination est strictement et de manière tout à fait contemporaine et esthétique et politique. Et c'est vrai que votre honte, celle dont vous parlez, comme celle dont parle Deleuze, n'a rien à voir avec certains usages qu'on a pu faire de Primo Levi. En utilisant Heidegger, je pense à ce que fait Agamben, par exemple, en parlant du texte de Lévy et en le trahissant complètement, qui est la honte de la nudité, la honte de la vie nue. Et en fait, c'est scandaleux, parce que c'est pas du tout ça que dit Lévy. Lévy, il dit, et c'est troublant, et c'est saisissant, au bout de l'enfer, il pense à ce qu'est ce SS comme type d'être humain. Le passage, le très beau chapitre où Primo Levi parle de la honte est précédé par l'évocation de ce poème. Hemingway en fera le titre de ce roman, pour qui sonne le glas, pour qui sonne le glas. Mmh. C'est-à-dire, je ne suis ce qui arrive quelque part me concerne, et la manière dont tout le problème étant précisément pour en faire cette force esthétique et politique, et ça, Deleuze le comprend immédiatement, oui, de ne pas la renverser sur la culpabilité. Ça n'a rien à voir. Alors je vais vous citer pour que ce soit tout à fait clair, Frédéric Gros, vous écrivez « L'art, la philosophie nous apprennent la honte de soi, mais pas comme tristesse coupable, pas comme affliction désolée, comme appel à prendre le large. » Et le large, moi, ça m'évoque l'océan, dans lequel on peut chercher des perles. Et vous voyez bien là le lien qu'on peut faire avec Hannah Arendt, qui disait que Benjamin était un pêcheur de perles. S'il y en a bien qui prenait le large pour aller chercher des perles, c'était Benjamin. Vous êtes plus proche, je crois, en effet, de cette manière d'aborder le problème. Se prendre le large, je trouve ça très beau, ce que vous dites. Oui, prendre le large, c'est là, c'est la dilatation, c'est cette manière dont précisément, je veux dire, c'est tracer des lignes de devenir. C'est dire prendre le large, c'est penser qu'on n'est pas à soi-même sa propre mesure, et précisément la honte qu'on peut avoir même par rapport à soi-même. de quoi on peut avoir honte, de ses limites, de ses limitations, de ses propres inerties, de ses propres réflexes, de ses systémismes de pensée. Et le large, c'est penser un peu autrement, voir autrement. Et cette espèce de souffle, la honte, j'allais dire, c'est les Grecs qui disaient la honte a la même racine que la colère, c'est le thumos, c'est le cœur, c'est une affaire de cœur. Et quand on est indigné et sincèrement indigné, toute indignation est un appel au large, est une dénonciation d'un enfermement et d'une asphyxie. Georges Didier Huberman, sur cette histoire de prendre le large et peut-être sur les perles qu'on trouve dans les océans, si belle métaphore que Hannah Arendt a employée dans son texte sur Walter Benjamin. Oui, c'est un texte de Shakespeare en fait. C'est tu vas au fond de l'océan, au fond de l'océan gît le cadavre de ton père, mais tout ce corps qui s'est transformé est devenu un corps en perles, en corail, en voyez. Donc ça veut dire aussi cette façon dont la mémoire devient un trésor. Mais Frédéric, vous avez lâché un mot très important. Prendre le large, c'est la faculté de l'imagination. Et ça, à mon avis, c'est tout à fait fondamental. En tout cas, moi, ce qui m'a animé pendant des années, c'était étudier des images. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, il fallait étudier plutôt l'imagination, la faculté elle-même d'imagination. Et là, vous faites soulèvement. C'est intéressant. Et là, on est dans un problème politique immédiat. C'est le problème. Vous avez parlé tout à l'heure du fasciste potentiel. Hein. Oui. On est en plein dans cette question. Alors, pour le dire très rapidement, cette imagination, c'est ce que Adorno cherchait à travers l'expression une imagination exacte, c'est-à-dire une imagination philosophiquement exacte. C'est ce que Benjamin cherchait à travers ce concept magnifique d'image dialectique. C'est l'idée de Arendt selon laquelle, à partir de son commentaire de Kant, de la critique de la faculté de juger, elle dit que la première faculté politique, c'est l'imagination. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Primo Levi, hein, c'est non pas se mettre à la place d'autrui, non pas s'identifier à autrui, on n'est pas le même, ça c'est sûr, mais penser à autrui, penser autrui. Penser l'altérité. C'est pour ça que finalement, on pouvait se demander si Miguel Abinsour, oui. que vous connaissez bien, qu'est-ce qu'il a fait pour passer de Marx à Lévinas ? Il n'a pas quitté Marx pour autant, hein, mais pourquoi Lévinas ? Parce que c'est une question éthique. Et parce que les petites choses comptent et l'imagination travaille parfois avec le petit. Il a écrit un très beau texte à Binsour qui s'appelle Le choix du petit, qui fait le lien, Moralia, oui, tout à fait. Entre beaucoup de ces préoccupations qui, je crois, sont exactement les vôtres. Ah oui, moi, ça me passionne complètement. Nous parlons de la transgression cette semaine. La transgression est-elle un nouveau conformisme ? Aujourd'hui, nous évoquons la désobéissance et la transgression comme nécessité peut-être pour inventer, même s'il ne faudrait peut-être pas non plus la systématiser. Nous arrivons à ce débat complexe. Je suis en compagnie, très honorée de l'aide d'ailleurs, de Frédéric Gros et de Georges Didier Huberman. Je voudrais poursuivre cette réflexion avec une archive de Michel Foucault. Michel Foucault, que vous connaissez particulièrement bien, Frédéric Gros, et vous êtes attaché à une de ces notions qui est l'idée d'une vie artiste. Alors là aussi, il y a peut-être des risques de mésinterprétation de cette notion, la vie artiste, qui doit finalement porter une transgression, me semble-t-il, en elle. Comment l'homme est-il différent de l'artiste, ou bien tout cela forme-t-il un tout ? On écoute Michel Foucault, c'était dans sa leçon du 29 février 1984 au Collège de France. La vie de l'artiste doit, dans la forme même qu'elle prend, constituer un certain témoignage de ce qu'est l'art en sa vérité. Non seulement la vie de l'artiste doit être suffisamment singulière pour qu'il puisse créer son œuvre, mais sa vie doit être, en quelque sorte, une manifestation de l'art lui-même dans sa vérité. Le thème d'une vie artiste, qui a été si important tout au long alors du XIXe siècle, repose au fond sur deux principes. Premièrement, que l'art est capable de donner à l'existence une forme qui est en rupture avec tout autre, et une forme qui est celle de la vraie vie. Et puis, autre principe, que la vie en retour, si elle a bien la forme de la vraie vie, est la caution que toute œuvre qui prend racine en elle et à partir d'elle appartient bien à la dynastie et au domaine de l'art. Je crois entendre, mais j'ai peur aussi de mal interpréter, je crois entendre dans ce propos de Foucault que la vie d'un artiste véritable doit être elle-même une manifestation de son art. Je crois qu'il a employé cette expression exactement. Pouvez-vous m'éclairer sur le sens de cette phrase, Frédéric Gros ? Je crois que l'idée, c'est que la vraie transgression, c'est à partir du moment où on essaye de mettre en œuvre, de mettre en existence et d'habiter à travers son corps, à travers son action physique aussi, la vérité. C'est-à-dire qu'après tout, ça dérange personne ou si peu de monde que la vérité soit appliquée au discours et devienne quelque chose comme un critère de délimitation ou une espèce de fin visée des discours. Quand se pose le problème, non pas du discours vrai, et de trouver les critères permettant de discriminer des discours vrais, erronés, faux, un peu faux, mais que quelque chose comme la vie même se pose la question de sa propre vérité et de ce que c'est qu'une vérité, un caractère à ce moment-là de la vérité proprement transgressif apparaît, oui. C'est-à-dire que c'est très dérangeant, parce qu'après tout, qu'est-ce que font les cyniques sinon de dire « vous voulez suivre la nature ?» Eh ben oui, je vous prends au mot. Qu'est-ce que signifie prendre à la lettre de son existence la vérité ? Ça fait du scandale. Vous vous dites, j'emploie une de vos expressions qui m'a aussi beaucoup plu, qu'il y a en chacun de nous un moi indélégable. Oui. Je crois que c'est un mot que vous employez. Oui, oui, ah oui, oui, tout à fait. Et vous pensez que ce moi indélégable, il se voit dans l'art ? Mais il se voit dans la vie de l'artiste. Est-ce que vous allez jusque-là ? Est-ce que Foucault va jusque-là ? Parce qu'évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a des artistes qui ont eu des vies incroyablement conformistes. Je ne parle même pas des mauvaises actions qu'ils ont pu faire et qui occupent beaucoup le débat public en ce moment. Ne parlons que du conformisme ordinaire et qui ont pourtant fait une œuvre tout à fait transgressive, extraordinaire. Je pense par exemple à quelqu'un comme Isaac Bashevis Singer qui a passé sa vie dans un couple extrêmement, simple, une vie d'écriture. Et en même temps, il raconte des choses incroyables sur la sexualité, sur les fantasmes. On n'a pas besoin d'avoir une vie à la hauteur de son art, si ? Bien sûr que non. C'est-à-dire que on pourrait prendre l'exemple même de Spinoza, la vie de Spinoza et d'une platitude, ou pourquoi pas même celle de Gilles Deleuze. Il le reconnaissait lui-même. Après tout, qu'est-ce que c'est que cette existence ? J'ai pas beaucoup voyagé, etc. Mais j'avais pas besoin de ça. Quand je parle d'existence, et d'existence vraie, c'est pas forcément pour dire. Il s'agit de mener une existence non conformiste. Il s'agit de s'engager dans le vrai, c'est-à-dire de faire de la vérité une exigence d'existence plutôt qu'une exigence simplement discursive. Et je crois quand même que malgré sa vie qu'on pourrait penser d'une platitude infinie, Spinoza a quand même été très sérieusement inquiété par les autorités, ce qui faisait qu'on a quand même considéré que même s'il polissait tranquillement chez lui ses verres de lunettes, il y avait des potentialités transgressives de son œuvre qu'il fallait absolument maîtriser. Donc quand je dis quand Foucault parle de la vie de l'artiste, c'est absolument pas pour essayer de mettre en balance quelque chose comme l'œuvre et la vie, etc. C'est pour voir et pour poser la question de savoir jusqu'à quel point la vérité, quand elle s'incarne, produit quelque chose comme du dérangeant et du scandale. Mais il ne faut pas confondre cette incarnation du vrai avec simplement de l'excentricité, où il s'agirait de mener une vie excentrique pour dire « regardez combien je suis transgressif, combien je suis au-dessus des normes puisque je les dédaigne, je les méprise et je ne m'habille ni comme tout le monde, ni comme personne, etc. » Il s'agit véritablement, par exemple, pour Foucault, la vie du franciscain, oui. C'est une transgression. C'est-à-dire, on prend à la lettre la leçon du Christ et dire bah, « allons-y, banco ». Vous êtes d'accord, Didier Jorman, avec... Il ne faut pas simplifier ces histoires de la vie et l'œuvre, où il y a des correspondances, c'est sûr, mais la transgression artistique n'a pas besoin d'une vie manifestement transgressive. Quoi. Alors, Foucault lui-même a eu une vie transgressive, comme Bataille avant lui, sur un autre plan. Et Foucault, quand il parle de vie artiste, il pense au 19e siècle. C'est-à-dire, et à quoi il pense? Il pense au romantisme et il pense à la bohème. Alors c'est vrai que la bohème, c'est une vie artiste, et c'est une vie artiste qui prend son modèle, le nom l'indique bien, la bohème, sur les tziganes, sur les gitans. Et les gitans, ils font pas d'exposition dans des musées. Les gitans, ils ont une vie artiste. C'est ce qui se manifeste dans le fameux concept de duende qui a été développé par García Lorca. Bon, peu importe. Maintenant, la vie artiste du 19e siècle, c'est une époque de l'art. C'est une époque particulière. Et moi, je suis sensible au fait que vous ayez fait référence à Spinoza. Parce que tout à côté de Spinoza, ben, vous avez Vermeer. Oui. Et alors, Vermeer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, alors, d'abord le choix du petit. Il fait des tableaux minuscules. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces tableaux? Ben, il y a des scènes conformistes, ce qu'on appelle des scènes de genre. Il y a des dames qui cousent, il y a des jeunes femmes qui tournent la tête, il y en a d'autres qui jouent du clavecin, mais même ce qu'on appelle un virginal, donc le mot est vraiment... Voilà, c'est une vie conforme, c'est une vie conforme. Et là où c'est absolument génial, c'est que dans ce choix du petit, sur un tableau de 20 cm de haut, Vermeer est capable de vous placer des explosions de couleurs, des choses que vous... C'est ça qui est transgressif ? C'est complètement transgressif. Oui. C'est-à-dire, ce qui est transgressif, c'est que dans le même tableau, il décide de créer deux façons de représenter, deux façons de ressembler, deux façons de donner un signe pictural. Et là aussi, je dois dire que moi, la lecture du séminaire de Deleuze sur la peinture m'a incité à regarder à nouveau frais la peinture de Vermeer qui m'avait occupé il y a très très longtemps. J'aimerais qu'on aborde maintenant un sujet qui fait écho à nos préoccupations dans le premier épisode hier de cette série, c'est que des formes de rébellion, alors là je parle de rébellion très active, révolutionnaire, peuvent parfois cacher un autoritarisme. Et j'y pense parce que Michel Foucault, dont nous sommes en train de parler, était fasciné par Georges Bataille, et il a écrit sur la transgression au sens de Bataille. En même temps, ce texte n'est pas si simple. Il y a peut-être de vraies raisons à cela. Il n'est pas si lumineux que cela, le texte de Foucault. Il y a peut-être une vraie raison à cela, c'est que Bataille, dans certains textes, en 1933, qui n'est pas une date anodine, a noté, a reconnu que parfois la rébellion, la subversion pouvait prendre l'odieux visage du fascisme. Il y a une étrange proximité entre la rébellion fasciste et la rébellion plus belle, plus subversive qu'il appelait de ses voeux. Et c'est presque une impasse de pensée qu'on note dans ce texte qui s'appelle donc Les structures psychologiques du fascisme, texte de Georges Bataille de 1933 dans La critique sociale, dont nous écoutons un extrait. La société homogène est la société productive. La violence, la démesure, le délire, la folie caractérisent à des degrés divers les éléments hétérogènes. Actifs en tant que personne ou en tant que foule, ils brisent les lois de l'homogénéité sociale. La réalité hétérogène est celle de la force ou du choc, et la nature de la subversion s'exprime dans l'exigence que ce qui est bas devienne haut, et que ce qui est haut devienne bas. Or, les meneurs fascistes, Mussolini, Hitler, appartiennent sans contexte à l'existence hétérogène. Il est impossible de ne pas avoir conscience de la force qui les situe au-dessus des hommes, des partis et même des lois. Force qui brise le cours régulier des choses, l'homogénéité paisible mais fastidieuse et impuissante à se maintenir elle-même. Le flux affectif qui unit un meneur fasciste à ses partisans est fonction de la conscience commune de pouvoir et d'énergie de plus en plus violent, de plus en plus démesuré, qui s'accumule dans la personne du chef et deviennent en lui indéfiniment disponible. Cette concentration dans une seule personne distingue la formation fasciste à l'intérieur même du domaine hétérogène. Ainsi, une même société voit se former concurremment dans une même période deux révolutions, à la fois hostiles l'une à l'autre et hostiles à l'ordre établi. À mesure que les possibilités révolutionnaires s'affirment, disparaissent les chances d'une subversion libératrice de la société. En principe, il semble donc que tout espoir soit interdit à des mouvements révolutionnaires se développant dans une démocratie. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Cette interdiction de l'espoir n'est pas tout à fait le dernier mot de bataille dans ce texte, mais enfin, moi je trouve ce texte très courageux parce qu'il se confronte au problème d'une transgression qui s'amplifie, qui peut prendre la forme d'un mouvement révolutionnaire, mais qui peut être phagocytée par un chef fasciste. Il y a une proximité terrible qui fait que quand une révolution marche, elle a toutes les chances et là, tous les risques de se retrouver ainsi phagocytée. C'est un problème grave, non Jean-Louis Duberman. Et du coup, grave. Ça complique l'éloge de la transgression. Peut-être est-ce la raison pour laquelle Foucault, quand il parle de la transgression de Bataille, est peut-être un peu mal à l'aise. Oui, mais alors, il me semble que l'expression centrale du texte qu'on vient d'entendre, c'est quand il parle de flux affectif. Oui. Hein, c'est, la question est de savoir où il va ce flux et de quel affect il s'agit. Alors, comment dire, il faut faire justice du fait que on a quelquefois dit que Bataille était fasciné par le fascisme. Fasciné, ça ne veut pas dire fasciser. Bataille, c'est bien connu, il était fasciné par les choses qui lui faisaient horreur. Il était fasciné par le négatif. Alors, il est en effet fasciné par le phénomène fasciste, parce que à cause de ce flux affectif, et il faut pas oublier que pas loin, il y a Ernst Bloch, oui, qui rappelle comment les nazis, disait-il, parlent une langue fallacieuse, mais à des hommes. Oui. Tandis que les communistes, dont Ernst Bloch se situait communiste, parlent un langage totalement véridique, mais au sujet des choses. C'est-à-dire que les fascistes n'ont pas oublié le flux affectif. Trump n'a pas oublié le flux affectif. C'est leur force. C'est-à-dire que c'est d'abord leur force, mais en même temps, c'est un flux affectif qui est vraiment. C'est ça qu'il faut analyser. Ouais. De quelle matière est fait ce flux affectif? Ma réponse, pour le dire très rapidement, c'est que le fascisme engage des émotions que je dirais disjointes. C'est-à-dire que précisément par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur Primo Levi, l'émotion fasciste, c'est l'émotion qui veut absolument ignorer celle de l'autre et qui veut ignorer l'autre en général. Je donne juste deux exemples, si vous me donnez une minute. C'est le fait que une comparaison est très intéressante entre Ernst Jünger et Georges Bataille. Les deux ont écrit sur l'expression « expérience intérieure ». Jünger, la guerre comme expérience intérieure. Pour lui, c'est une expérience de transgression. L'ivresse, il viole des femmes, il s'enivre de... Il n'est pas nazi, cela dit. Il n'est pas nazi, dans cela la dit, hein, mais c'est un fasciste aussi. Complet pour moi, Jünger. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui chante la vertu phallique de la guerre, de la chasse, etc. Il aboutit, même s'il n'est pas nazi au sens strict, il aboutit à une position absolument contre-révolutionnaire qu'il appelle révolutionnaire. C'est bien connu que les fascistes ont toujours volé le vocabulaire des communistes, y compris la couleur du drapeau, par exemple. Dans le drapeau nazi, il y a le rouge du communiste, par exemple. Bon, voilà. Et Bataille, c'est l'inverse. La transgression de Bataille, c'est que lorsque la guerre arrive, il disparaît. Oui, alors ça peut aussi être un peu critiqué, vous voyez ce que je veux dire. Il s'exile. La guerre le met en exil et il écrit l'expérience intérieure. C'est une autre attitude. Elle vous plaît, cette attitude, Frédéric Gros? Et vous pensez que Foucault était à l'aise? Celle du retrait intérieur? Je suis... Je viens de comprendre un peu le texte, parce que je ne le connaissais pas. Hein, mais cette espèce de pointage qui a été fait sur le flux affectif, me fait penser quand même que précisément, parce que c'est, enfin, il y a la date 33, on est quand même après une très grave dépression sociale. On a eu des fin d'année 33, ouais. On est dans des problèmes sociaux qui sont massifs. Et le problème, c'est que tout ce qui s'exprime comme colère surgit avec cette espèce de profonde ambiguïté de la colère, mais structurelle, qui fait qu'elle est à la fois faite de rancœur et d'espoir, qu'elle est faite à la fois de ressentiment et d'enthousiasme. Et la manière dont précisément va se dessiner une figure de meneur qui va représenter les ressentiments et, comment dire, représenter quelque chose la comme révolte. Une compensation symbolique ouais. des ressentiments, Trump, pour reprendre votre exemple, et si vous voulez, mais ce n'est pas le destin obligé des révolutions que de casser l'espoir. C'est mais c'est une après, inquiétude si voulez, qu'on peut avoir. Bien sûr, c'est une ce inquiétude que dit Bataille. Parce que la colère sociale est foncièrement indéterminée. Et quand je dis qu'elle est indéterminée, c'est qu'elle se nourrit, son énergie se nourrit à la fois, encore une fois, de ressentiment et d'espérance. Et après, cet enthousiasme, alors, qu'est-ce que ça va donner, si vous voulez? C'est ce qui fait qu'en quand Kant dit les révolutions, même ratées, sont toujours réussies, tant qu'elles ont pu souligner que une part d'enthousiasme qui disait un autre monde est possible. C'est tout. Et il ne faut pas oublier non plus que dans le cas du fascisme, l'enthousiasme, la colère, même on pourrait dire l'espérance, revient toujours à une forme de servitude. C'est-à-dire que Junger lui-même dit « moi, c'est la volonté de puissance, mais au service d'une puissance supérieure ». C'est-à-dire que ce flux affectif, oui. dans le cas du fascisme, il revient toujours à une forme de servitude. Alors je pense, Georges Didier Huberman, que dans votre œuvre, il y a un autre critère qui permet de distinguer la subversion fasciste des autres subversions. C'est que le fascisme aime l'homme nouveau et n'aime pas la mémoire. Et vous ne cessez de dire, et c'est très beau, et peut-être que maintenant on va le comprendre plus précisément, vous ne cessez de dire, Georges Didier Huberman, que dans les désirs artistiques qui ont souvent une dimension subversive, la mémoire est logée, je vous cite, la force de nos mémoires, quand elles brûlent avec celle de nos désirs, quand eux-mêmes s'embrasent, alors les images ont à charge de faire flamboyer nos désirs à partir de nos mémoires au creux de nos désirs. Je vous écoute pour nous expliquer votre propre phrase. Ma phrase s'éclaire de ce que disait Frédéric tout à l'heure. Pourquoi Foucault y finit sa vie en s'intéressant aux cyniques? Oui, pourquoi? Mais parce que c'est une mémoire, c'est avec ce retour qu'on peut ressauter par-dessus le conformisme du présent. C'est exactement la position de Benjamin. C'est ça qui est magnifique. C'est vrai que les mouvements autoritaires modernes, le fascisme par exemple, on peut-être pas tout cataloguer comme fasciste, on sait pas bien ce qui nous pend au nez là, mais oui, bon, oui, oui. Souvent sont sans mémoire. Il y a un désir de table rase. Alors, l'idée de... Ou alors de reconfiguration complète d'un passé romain, enfin... C'était ça aussi l'intérêt de se pencher sur l'histoire de l'art d'Abi Warburg, qui est une histoire de l'art qui est à la fois une histoire et une anthropologie des survivants, c'est-à-dire des retours de choses qu'on croyait obsolètes. Voilà. L'idée de quelque chose qui serait post, qui serait obsolète, qui serait l'idée d'une transgression qui laisserait derrière elle. Et ça, Foucault le dit très bien dans son texte sur la transgression. Si vous croyez que la transgression, c'est laisser la frontière derrière vous, vous vous trompez. La frontière se balade avec vous en permanence. C'est-à-dire transgresser, c'est constamment intégrer la frontière qu'on est en train de transgresser. Donc, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de choses obsolètes. Dans le domaine de la culture, dans le domaine anthropologique, donc politique, il n'y a rien de poste. Et c'est vrai, Frédéric Gros, que Foucault était un homme de mémoire. Il a passé une grande partie de sa vie, on parlait de la vie artiste, dans des bibliothèques, dans des archives. On oublie souvent de dire ça. On parle de sa vie californienne un peu wild, mais enfin, Foucault, il a passé des heures et des heures oui, bien sûr. Avec la mémoire, pas justement dans une réification, mais pour la faire vivre. Mais oui, pour rechercher ce que... Je ne sais pas ce qui vient d'être dit, me fait dire que la transgression authentique se conjugue toujours au futur antérieur. C'est-à-dire, quand je dis qu'elle se conjugue au futur antérieur, c'est que le futur ne peut s'ouvrir et se délivrer que de la réactivation des perles de notre mémoire. Et que si la mémoire n'est jamais que le ressassement, effectivement, d'inertie, non, mais je veux dire, le salut du futur n'est pas dans le futur lui-même. Elle est dans la réactivation de ces perles de la mémoire, c'est-à-dire de ce qui, dans le passé, n'a pas encore été accompli. Alors que le passé puisse être revivifié sur un mode transgressif est une chose qui vous tient à cœur. Vous nous avez parlé avant cette émission d'une musique de John Coltrane de 1961 qui utilisait une mélodie traditionnelle espagnole pour la revivifier autrement et en faire un morceau de jazz. Eh bien, nous qui savons désobéir, ne faisons pas que prendre vos exemples. Nous en avons cherché un nous-mêmes, nous avons essayé d'inventer. Eh bien, voici God Save the Queen par les Six Pistols. C'était No Future au départ, cette chanson God Save the Queen des Sex Pistols, qui en disait long sur leur vision de la monarchie. Et la BBC a refusé longtemps de la diffuser. Ça vous va comme musique de fin? Parfait. Georges Duberman, vous aussi? Oui. Frédéric Gros. Bon, alors je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Cette semaine, il nous parle du chaud et du froid. Pourquoi faut-il dissocier la chaleur et le feu? Le fait très simple qu'un excès de chaleur nous détruise ou que le feu nous brûle, ce feu extrêmement simple que le feu brûle et qui a servi d'exemple à toutes les théories de l'expérience humaine, à tous les empirismes, le feu nous brûle et on ne nous y reprendra pas. Et cela nous amène justement à une thèse générale, la brûlure immédiate, que toute flamme doit être prise avec méfiance et que, en effet, le feu en général brûle. Ce fait très simple conduit en effet à deux types d'approches tout à fait différentes qu'il faut distinguer distinguer, qu'il faut peut-être même opposer, mais qui pose aussi le problème de leur réunification, de l'unité de notre expérience sensible face à des faits très simples mais aussi très dangereux, comme la brûlure du feu ou la destruction par la chaleur ou par le froid. La première question, c'est évidemment comment le feu nous brûle-t-il ? Qu'est-ce qui se produit dans cette brûlure ? Et cette première question nous amène peu à peu à rechercher les mécanismes qui font que nos corps sont exposés à la chaleur, que la chaleur peut non seulement entretenir, nourrir les corps, mais aussi les détruire. Elle nous entraîne dans une physique des particules, dans une physique des corps, une physique qui a dû rompre, comme le montrait Gaston Bachelard, avec l'expérience sensible. Bachelard, c'est celui qui a complètement dissocié et opposer les approches scientifiques, conceptuelles, mathématiques du monde, de la physique et de la science en général d'un côté, et de l'autre l'expérience sensible qui donne lieu aussi à l'imaginaire et à la poésie. Et c'est sur le feu avant tout, sur la chaleur qu'il a concentré son sens du dualisme, sa distinction absolue. Son premier essai d'épistémologie, sa thèse secondaire, comme on disait à l'époque, portait sur l'étude d'un phénomène de propagation thermique dans les corps solides. Un phénomène de propagation thermique, ce n'est pas une brûlure. La propagation thermique, c'est un phénomène qu'on étudie objectivement, mathématiquement. C'est la transmission d'un certain mouvement de particules qui peut engendrer de la chaleur et aller jusqu'à détruire certains autres agrégats de particules qu'on appelle, par exemple, des organismes. Et voilà comment la science fait abstraction de l'effet qualitatif, de notre impression, de notre fascination pour la brûlure et l'étudie comme la propagation de particules. Mais d'un autre côté, Bachelard, qui a étudié ce que la science doit rejeter, les obstacles épistémologiques dans la formation de l'esprit scientifique, étudie cet envers de la connaissance, cet autre côté sur tous les éléments sensibles, sur tous les éléments du monde, et il commence et il revient toujours et il finit par revenir encore au feu et à sa brûlure. Son premier livre à cet égard, c'est bien sûr « La psychanalyse du feu ». « Le feu, » dit-il fortement, je cite page 11, « le feu n'est plus un objet scientifique, mais le feu reste un objet d'approche humaine profonde, non seulement négative mais positive. » Bachelard nous décrit même le feu intérieur, le cordial que je bois, le whisky au coin du feu, je suis réchauffé de l'intérieur et de l'extérieur. « Le feu, » dit-il, « est aussi une sorte de plaisir du luxe, par lequel il prouve son humanité. Il ne se borne pas à cuire, il croustille, il dore la galette, il matérialise la fête des hommes. L'homme est une création du désir devant sa cheminée, devant son four, devant la cuisson que permet aussi le feu. Le feu brûle, mais il cuit. Mais là aussi, les sciences humaines nous ont appris que la cuisson par le feu est l'objet d'une étude scientifique. Les sciences, peut-être, doivent réunir ce que Bachelard avait séparé. Il faut réunir dans l'expérience aussi du feu qui brûle aujourd'hui la planète, dans l'excès de la chaleur, la science de la chaleur et l'expérience de la brûlure et de son désir. Merci Frédéric Worms et merci Georges Didier Huberman et Frédéric Gros qui ont été avec nous aujourd'hui. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et le reste de l'équipe, Anna Fulpin, Marine Boudalier, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.